Chapitre 28. Le défi. J'ai une vague souvenance d'une histoire qui est contée, dans quelque ancienne légende espagnole ou dans un vieux grimoire. C'était au temps où l'intrépide roi Sanchez assiégeait Zamora. Son armée entourait la ville et se tenait campée dans la plaine. Don Diego de Ordonez s'avança tout seul devant tous et cria bien fort son défi à tous ceux qui défendaient la ville. Tous les habitants de Zamora, ceux qui étaient nés et ceux qui ne l'étaient pas encore, il les défiait comme des traîtres, avec des mots dédaigneux et fiers. Il insultait les vivants dans leur maison et les morts dans leur tombe, et les eaux dans leurs rivières, et leur vin, leur huile et leur pain. Il y a une armée bien plus nombreuse qui nous assaille de toutes parts. Une armée innombrable de gens qui ont faim et qui luttent à toutes les portes de la vie. Les millions qui combattent dans la pauvreté et viennent nous disputer notre pain et notre vin, peuvent nous accuser de traîtrise, nous les vivants et nous aussi les morts, et toutes les fois que je m'assieds au banquet de la vie, où les rires et les chants ne cessent de fuser, dans la gaieté et la musique, j'entends leurs redoutables cris. Je vois leurs visages hâves et décharnés, regarder le salon illuminé, leurs mains épuisées se tendent pour recueillir les quelques miettes qui tombent. Dedans, c'est la fête et la joie. L'air est tout embaumé de bonnes odeurs. Mais dehors, c'est le froid et la nuit, la faim et le désespoir. Là, dans le camp de la famine, dans le vent, le froid et la pluie, Christ, Seigneur de toute cette armée, est étendu sur la plaine. Signé Longfellow.